Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Tiens-toi prêt ! Nous sommes de retour de la séance Solo, A Star Wars Story, donc le spin-off de la célèbre saga Star Wars. Et on va un peu vous exprimer notre avis, tout d'abord sans spoiler et ensuite avec spoiler, avec mon ami Fabien. Alors pour commencer, pour présenter le film, c'est-à-dire que c'était un projet qui avait été initié par Chris Miller et Phil Lord, avant que Ron Howard le reprenne en main, et donc avec tous les modifications et tous les raccords qu'on n'a pas pu faire. Donc le film, on retrouve déjà, le rôle principal a été confié à Alden Ehrenreich, qui incarne le jeune Solo. Il y a Emilia Clarke qu'on avait vu dans Game of Thrones, mais aussi qui faisait Sarah Connor dans le dernier Terminator. On retrouve aussi Woody Harrelson, Paul Bettany, Donald Glover dans le rôle de Lando et aussi Tandy Newton dans le rôle de Val. Casting assez bien fourni, des acteurs plutôt convaincants. Pour un premier avis, moi j'ai été super emballé, en tout cas plus que l'épisode 8. Pendant les 2h15, on oublie totalement l'extérieur, on est complètement dans cette galaxie très lointaine. D'ailleurs, il y a un démarrage qui est assez tendre, hein. Il n'y a pas de défilé, rien. Le titre apparaît comme ça un petit peu à la Superman, c'est-à-dire qu'il se lance contre l'écran. Oui, bah c'est une réussite, hein. Même si j'ai quelques réserves que j'exposerai en spoiler, mais le scénario fonctionne plutôt bien. Il y a une bonne alchimie entre les acteurs et on voit qu'ils ont leur personnage dans le sang. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains retournements qu'on voit peut-être arriver de loin vers le final. Dans l'ensemble, j'ai été satisfait. Il y a cette scène de séquence d'action du faucon, c'était fort divertissant et moi j'ai passé un très bon moment. Et moi je souligne quand même les deux grosses scènes d'action. Pour moi, ce sont la séquence du train qui fait très western, avec l'espèce de séquence avec les espèces de speeder bike où ils sont poursuivis par les vilains. Et il y a aussi cette fameuse séquence du faucon dans l'espèce de ce qu'ils appellent un maelstrom, mais c'est plus une espèce de nébuleuse. Et ouais, il y a la rencontre de la créature et tous ces aspects de nouveauté qui nous fait découvrir un peu plus l'aspect technique du faucon et pourquoi pas aussi de découvrir aussi de nouveaux personnages qui, pour une fois, par rapport à l'épisode 8, donnent plus envie de suivre l'intrigue. Voilà, l'inconvénient, c'est que normalement, je suis censé faire le contrepoids, mais en fait, je partage exactement la même opinion, c'est-à-dire que c'est un film qu'on voit pas passer, hein, pendant les plus de 2 heures qui durent, on ressort de là en se disant, quoi, c'est déjà fini. L'action, elle est haletante, hein, dans les scènes que tu dis, ouais, là, on est carrément pris dedans. Puis, les acteurs, moi, je m'attendais pas à grand-chose de ces acteurs, mais j'ai été pris, empathie, ils sont crédibles dans leur rôle, quelques surjouades de certains, mais ça reste quand même dans l'esprit qu'on aime bien voir dans les films. C'est quelque chose qu'on arrive à regarder d'un bout à bout avec très peu de ventre mou. Il y en a quand même, hein, ça reste du Star Wars, mais voilà, c'est un film qui, encore une fois, sauve, je dirais, la franchise Star Wars au niveau des spin-offs qui sont mieux adaptés que la saga elle-même. Toi, tu disais que t'avais préféré Rogue One. Est-ce que tu sais me dire pourquoi tu préfères Rogue One plutôt que Solo ? Alors moi, j'ai préféré Rogue One au niveau des enjeux, puis c'est moins mièvre, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus réaliste que Solo. Après, voilà, Solo, on en reviendra dans la partie spoil, mais il y a des raisons qui font qu'on voit certaines choses arriver. Tandis que dans Rogue One, on nous épargne rien. La mort des personnages, la situation désespérée, les scènes de combat dantesques qu'on se demande s'ils sont perdus d'avance ou pas. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus spectaculaire. Donc, on va revenir sur Alden Ehrenreich, donc qui succède à Harrison Ford. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon dans le rôle, parce que c'était pas du tout facile de succéder à Harrison Ford, qui avait quand même incarné le personnage, et donc il avait donné toute cette prestance et toute cette désinvolture du personnage, et surtout le sympathie. Mais bon, dans le 4, il était quand même moins sympathique que dans les autres épisodes. Mais là, on voit vraiment un Solo en devenir, qui est plus un personnage qui est un peu naïf sur les bords, qui croit qu'il peut tout réussir, mais que pour petit à petit, il s'accroche à des gens, mais il se rend compte qu'il sera un petit peu déçu par le genre humain, quoi, finalement. C'est vrai que Hayden, on avait un petit peu peur de sa façon dont il allait jouer Han Solo, parce que c'est pour faire un mimétisme grossier, c'était un peu malvenu. Et en fait, non, moi je trouve qu'il arrive à s'approprier le rôle sans pour autant dépasser Harrison Ford ou chercher à l'égaler ou quelque chose comme ça. Voilà, il joue son rôle à sa manière et je trouve que ça passe, quoi. En plus, comme c'est un Han Solo plus jeune, on peut comprendre qu'il soit plus fougueux et un peu plus naïf par rapport au Han Solo sur Tatooine. Puis bon, moi j'ai trouvé que dans l'ensemble, les acteurs ils étaient quand même pas mal. Bon, Emilia Clarke que je trouve assez médiocre parfois. Elle m'a étonné parce qu'elle a vraiment un rôle de femme forte physiquement et elle se colle très bien à l'équipe. Il y a Woody Harrelson, moi, que j'adore, qui est un acteur que j'adore. Et là, bon, bah, il fait du Woody Harrelson, mais on l'aime bien. Il a toujours cette tronche sympathique, même si des fois il incarne des psychotiques dans les autres films. Paul Bettany, qu'on retrouve aussi dans le rôle de Dryden Voss. Donc Paul Bettany, qui était la Vision dans Avengers, pour s'en rappeler. Et il y a Donald Glover, qui réussit pas mal à s'accoutumer, je dirais, au jeu de pleine aisance de Billy Dee Williams, qui a incarné Lando à partir de l'épisode 5. Et là, t'en as un Lando qui est quand même plus... Il est charmeur, il est un peu prétentieux aussi, et il est aussi très roublard, quoi, dans son rôle. Donc on comprend un peu mieux pourquoi Solo avait peur d'aller demander de l'aide à Lando dans l'épisode 5. Et en fait, là, on nous montre un Lando, ouais, manipulateur, tricheur, charmeur, mais qui arrive quand même à être sympathique. Sans plus, quoi, mais... Ouais, non, c'est le personnage, on y croit. En même temps, Lando Calrissian, dans le 5 et le 6, ça va, on la voit pas trop, donc ouais. Pour le développer, c'est quand même plus facile. Moi, je trouve qu'il est crédible en Lando Calrissian. Et d'ailleurs, en parlant de Lando Calrissian, je sais pas si t'as remarqué, mais là, on va aborder un petit peu la partie caméo. Donc, moi, je considère que c'est pas vraiment du spoiler, c'est plus des clins d'œil. Et là, j'ai relevé, tu vois, l'armure de Boba Fett, par exemple, dans une scène, ou la sonde impériale, quand ils sont, par exemple, sur le train, que Val est exposé à des sondes, on retrouve le même type de sonde dans l'épisode 5. Ce que je voulais dire, c'est à propos de Lando, c'est que lui, à un moment, quand il arrive sur Kessel, il y a Beckett qui porte le costume que porte Lando dans l'épisode 6 quand ils sont dans le palace de Jabba. Ça, c'est ces petits automatismes qui se sont revenus, en fait. Petit clin d'œil pour faire coucou aux fanboys. Et puis, au détour d'un dialogue, là, faut vraiment être un gros fan parce que là, genre, ils parlent de Bosk, qui est un chasseur de primes, qu'on voit en fait 5 secondes dans l'Empire contre-attaque. Et c'est un chasseur de primes qui a une peau un peu reptilienne, si vous voyez ce que je veux dire. Il a un peu de tête de dragon, le mec. Voilà, donc pour les caméos, on a un peu parcouru les acteurs, le caméo. Au niveau des effets spéciaux, est-ce que tu as un petit commentaire à souligner sur les effets spéciaux ? Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Ouais. Bon, ça reste du numérique, hein. C'est pas aussi grandiose que les effets spéciaux, on va plutôt dire les motion capture qui avaient été faits dans les années 70-80. Mais ça va, ils sont crédibles, on y croit. Il y a quelques passages, on y croit un petit peu moins, alors on y reviendra dans la partie spoil. Mais sinon, les effets spéciaux sont bien. L'action rythmique du film est bien. Le scénario, ça reste un scénario Star Wars, hein, donc c'est classique. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'énormes défauts à ce film, si ce n'est, comme tu dis, quelques passages où on les voit arriver un peu de loin. Non, il y a, on retrouve dans un petit caméo Warwick Davis. Alors Warwick Davis, il revient souvent dans les Star Wars, c'est en fait lui qui jouait dans Willow, mais dans les Star Wars, il avait incarné l'Ewok dans l'épisode 6, qui était avec Leia, et il avait quelques petites apparitions dans les autres épisodes, donc c'est quelqu'un de récurrent. Par contre, on n'a pas eu la présence de C-3PO, là, cette fois-ci. Ouais, au niveau droïde, on est servi, mais bon, on n'a pas les droïdes bien connus, c'est tous des nouveaux droïdes. D'ailleurs, je propose qu'on attaque directement la partie spoil, comme ça on va pouvoir vous parler un peu plus des personnages, des droïdes, des effets, ce qui nous a choqué, ce qui nous a bien plu. Alors moi, ce qui m'a particulièrement embêté, c'est le scénario quand même, parce que c'est pas gênant en soi, mais ça reste du Star Wars, hein, c'est-à-dire des retournements de situation que Han Solo a prévu, et qu'on les voit arriver de loin aussi. On va partir directement donc sur la scène où il se fait trahir par Beckett. Solo trahit Beckett qui a trahi Solo, et c'est un twist dans le twist, et ce que j'appelle du Star Wars normal, ça, c'est-à-dire qu'on le voit arriver de loin, on sait qu'il va avoir une entourloupe, et puis voilà, on le voit arriver à des kilomètres. Ouais, après, il y a la romance aussi qu'on voit arriver à des kilomètres, hein, le fait que Kira va retrouver Solo par hasard dans cette galaxie lointaine, très lointaine, qui est immense, mais apparemment, le monde est petit, parce que Solo arrive dans une base, dans une forteresse spatiale, mais on va dire, forteresse volante, et puis il tombe sur son ancien amour assez facilement, et puis sur Kira, puis c'est du Star Wars, quoi, c'est un grand univers, mais un tout petit monde. Tout le monde se connaît, tout le monde finit par se croiser. Moi, je reviendrai plus sur la rencontre entre Han et Chewie, parce que moi, je trouve que c'est un peu problématique dans ce côté-là. D'accord, Han, ils font référence comme quoi Han a été élevé sur Kashyyyk, un peu comme dans... Mais ça, faut quand même connaître le canon pour le savoir. Mais des fois, il grogne comme Chewbacca. Et ensuite, tout d'un coup, il se met à lui parler en langue normale. Et l'autre le comprend sans problème, quoi. Non, ça m'a pas choqué, pas du tout. Le fait que Han parle le langage quête de Kashyyyk, donc le Wookiee, ça m'a surpris un petit peu. Mais le fait que Chewie comprenne le langage humain, non, ça me choque pas plus que ça. Au bout de 190 ans qu'il existe, surtout qu'il me semble qu'il avait quand même aidé Yoda, etc. Donc il connaissait les Jedi, donc dans la prélogie. Il me semble qu'on a Chewie ou au moins des Wookiees qui sont présents, et on sait qu'il parle le langage humain et qu'il le comprenne. Moi, je dirais que l'histoire avec Luke, parce que apparemment Luke comprendre Chewbacca. Mais apparemment, Luke, c'est pas le langage de Chewbacca qui lirait. Ce serait plus un ressentiment de Jedi, tu vois. Il n'entendrait pas parler, il l'entendrait. En fait, il lirait dans ses pensées, quoi. On voit que ce soit Lando ou Leia, ben, il s'exprime pas non plus dans le langage du Wookiee. Et moi, ce qui me. Bon, ils ont voulu faire une autre version de la rencontre entre Yann et Chewbacca. Et à savoir que dans l'univers légende, c'était Han qui sauvait Chewbacca de l'Empire, en fait. Petit aparté hein, sur l'univers légende. Lui, il était dans en tant qu'officier impérial, stagiaire, et il doit abattre un groupe de Wookiees, et il décide de pas le faire, et puis c'est à partir de là qu'il sauve Chewbacca faire de la mort, et ils deviennent en fait ensuite des amis. Donc moi, cette version-là, elle me dérange. Ouais, c'est sympa, c'est arrangé pour le film. Bon, bah, je vais rester sur un avis a priori. Peut-être que je chipote sur certaines choses, mais c'est vrai que bon, ça passe bien dans l'ensemble. Pour celui qui connaît pas les origines entre Yann et Leia dans les littératures ou quoi, bon, ça passe quand même, que je veux dire. Ouais, c'est du chipotage de geek, ouais. Ça, je peux confirmer. Par contre, moi, un truc qui me gêne beaucoup, ouais. C'est que depuis tout à l'heure, Fabien dit Yann. C'est vrai. Donc voilà, il y a un moment, justement, dans le film, ouais. Il l'appelle Yann et il lui dit non, Anne. Yann, ouais. Non, Anne, ouais, mais non, tout le monde se trompe. Non, mais c'est Anne, c'est parce que dans le quatrième épisode, souvenez-vous qu'il s'appelait Yann Solo, comme Chicta Boy, comme le Moff Tarkin, non, Tarkan dans l'épisode 4. Il y avait tellement de déformations dans l'épisode 4 qu'on ne savait plus quoi. Il y avait aussi le Millennium Condor, si vous vous souvenez aussi. Donc il y avait toutes ces déformations-là françaises, là, qui ont été un peu corrigées pour le 5 et le 6, heureusement. Ouais, non, bah, il y a cette suite de trahison aussi, tu en parles, tu disais, faut en parler aussi de cette suite de trahison, je te trahis, tu me trahis, ouais mais je t'aime et je t'aime pas, mais je suis opportuniste et ceci et cela, quoi, c'est un peu, je sais pas, je trouve que ça, c'est trop sur une durée limitée que ça s'enchaîne sous ces événements, ça devrait être un peu plus dispersé dans l'histoire, moi, pour moi. Ouais, mais les trahisons, on les voit arriver, par contre, le je t'aime pas, ça je suis pas d'accord, parce que jusqu'au bout, elle le protège, hein. La preuve, elle va même affronter le personnage mystère, on va pas y aller dans la partie spoil, ouais. Bah, j'ai cru reconnaître Darth Maul, c'est un peu bizarre, donc, elle se sacrifie entre guillemets parce qu'elle va les retrouver molles et elle laisse Han survivre avec sa précieuse cargaison qui va aider les rebelles. C'est vrai que Kira, t'as l'impression que... moi, j'avais tout le temps l'impression qu'elle allait trahir, quoi. Que cette marque-là qu'elle a sur le bras, c'était une allégeance, en quelque sorte, au syndicat du crime et que peut-être qu'elle avait été conditionnée, quoi, tout simplement. Bah non, c'est pas non plus Tyler dans Discovery. Hein, le conditionnement, là, il est limité à un fait d'appartenance. Mais non, moi je l'ai vu arriver de loin qu'elle allait le buter, le mec, parce que pour aider Han. Voilà, c'est juste le fait qu'elle survive, là je m'y attendais un peu moins. Ouais, t'as toute raison, parce que c'est vrai que finalement c'est un scénario qui est assez simple à comprendre, et quand t'es pris dans l'histoire, et moi je réfléchissais, et je me dis, mais d'où est-ce que ça va venir cette trahison? Parce que quand j'ai vu Beckett arriver, j'étais un peu étonné, j'avoue. Ouais, et puis j'étais surpris, la grosse surprise du film, c'est en fait le pseudo-vilain, avec son masque, on découvre qu'en fait c'est pas un vilain, donc c'est en fils Nest, c'est une guerrière en fait, qui se bat contre l'Empire tout simplement, et qui veut pas que les syndicats du crime deviennent de plus en plus puissants, et cette espèce de retournement, ça par contre je l'appréciais, je l'attendais pas du tout. Ouais, ça c'était bien sympa, parce que je me dis, ah non, ils vont nous faire le coup du combat... inégal et puis qu'ils vont s'en sortir quand même, et ouais, le fait qu'ils soient cernés par Han Fist Nest et que qu'en fait elles disent non, j'ai une cause plus noble que vous à défendre, ouais, c'était bien tourné, je trouve. Certains vont le trouver prévisible, mais moi en tout cas dans la mesure du film, je l'ai pas vu arriver. Moi non plus, je m'attendais à ce qu'elle arrive, ouais. Mais que ça se règle mal, quoi, c'est à dire que s'en part et puis qu'après ça finisse à coup de laser, et par contre j'ai pas du tout compris pourquoi Lando il s'est barré, quoi. Ouais, alors ça, ouais, on sait pas. Peut-être qu'il a vu arriver du monde, il s'est barré, ou alors il était vexé à ce qu'on a fait à son vaisseau. Il m'a pas l'air très courageux comme mec, quand même. Ah bah, il est manipulateur, calculateur, ouais. Courageux, hein, je dirais pas qu'il est courageux, parce que il se barre, et puis il est juste courageux quand il va sauver son androïde, et c'est tout, quoi. L'Android qui est très bien fait, qui donne une certaine... la scène sur Kessel, elle donne une certaine impact au message un peu de liberté, quoi, quelque part. Ouais, parce que donc l'Android L3, il est pris de liberté, c'est-à-dire qu'il manifeste contre l'exploitation des androïdes. Voilà, ça fait un peu rigoler, mais c'est vrai que c'est un thème qui revient un peu sur Tatooine quand ils disent on ne sert pas les androïdes. Voilà, c'est un petit clin d'œil ou une petite référence, et puis cet Android a du coup beaucoup plus de personnalité. Même plus de personnalité que l'Android dans Rogue One, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'était un simple soldat, finalement. Et là, on a plus un esprit de, bah ouais, elle troll aussi Lando, hein. Elle troll Yann, enfin, elle troll aussi Anne. Ah là là, je vais pas m'en débarrasser de ça, hein. Elle troll tout le monde, quoi. Même Kira lui dit, j'ai bien vu dans ton regard qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois. Et puis, moi, j'ai bien aimé ce passage avec les Wookiees qui sont esclaves et qui sont libérés par Chewbacca. J'ai trouvé que c'était pas trop mal comme scène. Ouais, où Chewbacca les envoie en l'air claqués au plafond comme Mr. Ouais. T dans l'agence touriste. C'est ça. Mais c'est une bonne scène entre Wookiees. J'aurais aimé plus de Wookiees. Et qu'est-ce que t'as pensé de cette espèce de créature avec des multiples tentacules Le Cthulhu. Ouais, c'est une créature tout à fait Lovecraftienne. Ouais. Bah, c'est plutôt bien fait. Bon, on voit du coup un peu plus les talents de pilotage de Han Solo. Ça va, on y croit. Bon, bah, après, voilà, c'est des créatures dans Star Wars. Hein. C'est plus un mec avec un gant qui fait des trucs dans un plan noir. Donc voilà, c'est numérique. D'ailleurs, moi, dans le Maelstrom, il y a quelques passages qui m'ont gêné au niveau numérique. Mais là, au niveau de la créature, ouais, bah, c'est juste pour nous montrer une grosse bestiole de l'espace. Hein. Et toi, qu'est-ce qui t'a gêné? C'est l'espèce de tourbillon rouge, la séquence avec les TIE Fighters Bah, quand les TIE Fighters ils arrivent et qu'on a le vaisseau impérial, enfin, c'est pas le vaisseau impérial. Le Star Destroyer. Le Star Destroyer, on voit clairement les défauts dans l'image derrière, quoi. On voit que c'est un peu mal fait, un peu une bouillie numérique à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que tu veux dire. En fait, c'est à travers le cockpit du Faucon, t'as une espèce de vue qui est un peu déformée, non? Ouais, possible. Voilà. Ça m'a un peu plus gêné. Bon, ça n'a pas pété l'ambiance du film non plus. Non, pas du tout. C'est un petit détail qui m'a gêné au niveau du numérique. Ouais. Mais ouais, c'est pas non plus flagrant comme le bord de mer de Thor ou je sais pas quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Hein, ou les cheveux qui clignotent dans Avengers 4 de certains personnages. Non, c'est quand même assez soigné dans le loin. On peut quand même souvenir que, bon, je pense que c'est ILM qui doit s'occuper des effets spéciaux. Il y a pas mal de fanservice, hein. Faut quand même avouer que quand on arrive dans le Faucon, on a le jeu d'échecs. Mais là, c'est un peu justifié parce qu'il y a une découverte. C'est pas comme dans l'épisode 7 où on va te balancer, par exemple, le jeu d'échecs, la boule, ou le compartiment qui planque, ou, vous avez fait le truc en 12 parsecs. Là, c'est un peu plus, justifié, le fanboyisme, je veux dire, t'es un peu plus justifié dans certaines scènes, quoi. Ouais, puis là au niveau du parsec, hein, juste pour rebondir, fanboy à la con, là il va s'exprimer. Mais voilà, ça raccroche le wagon de cette histoire de parsec, parce que le parsec c'est une unité de distance et pas de temps. Et là du coup maintenant on comprend que Han Solo a pu faire quelque chose en 12 parsecs, c'est ça, au lieu de 20. Bon, en fait, il y a beaucoup de récupérations de la légende de Han Solo dans la trilogie, hein. On parle du parsec, on parle de la rencontre avec Chewbacca, son passé de contrebandier, il y a même un clin d'œil à Jabba vers la fin du film. Tout y est, hein. Tout est là pour faire plaisir, mais avec moi ça a marché, quoi. Bah, faut dire c'est bien rythmé. Ouais. Pour moi, ça m'a pas fait film coucou les fans, on vous balance ça dans la gueule et démerdez-vous. C'était plus soigné, il y avait un scénario léger quand même, mais dans l'ambiance du film, moi les défauts ils m'ont pas forcément apparu. Alors peut-être dans quelques jours quand j'y réfléchirai, mais là c'est vrai que quand t'es pris dans cette ambiance, t'as beaucoup d'empathie pour les personnages, ce qui est assez rare dans une saga Star Wars maintenant. Parce que là, si Chewie ou Han ou Lando se faisaient tirer dessus, ou même les autres, hein, moi j'avais un peu plus d'empathie que si Finn se fait bousiller par un canon plasma. Ouais, ça, on s'en fout de Finn. S'il veut crever, que ce soit Rose, Finn ou Peau d'Amande, ils peuvent crever. Moi, moi ça me fera rien. Par contre, l'androïde qui meurt, ça m'a fait un petit quelque chose, je vais dire. Même si c'est qu'un androïde, mais j'avais une certaine empathie pour le personnage et je trouvais qu'il était, c'était un nouveau personnage qui était assez original dans l'univers Star Wars. Et c'est vrai que y a les côtés tristes, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Hein. Moi, j'ai souvent rigolé aussi. Et c'était pas de l'humour bête qui te balance à la tronche comme dans l'épisode 8, comme par exemple. Ouais, puis là, tu parlais des personnages. Dans l'épisode 8, on a des personnages, on se demande ce qu'ils foutent là, hein, comme c'est le calculateur, enfin, celui qui craque les codes. On se demande pourquoi il est là, parce qu'il se retourne. Le collectionneur, tu veux dire. Ouais, Rose, on se demande pourquoi elle est là aussi. Hux, on se demande qu'est-ce qu'il fout dans le film. Par contre, là, au niveau de Solo, il n'y a pas un personnage où on dit qu'est-ce qu'il fout là, ce bonhomme, y a rien. Non, à foutre, quoi. J'ai pas eu l'impression qu'on nous montrait des personnages pour dire voilà, on a un bestiaire. Ah, pardon, à propos de bestiaire, il était pas mal celui-là avec quand il joue pas au sabac, il y a toutes ces espèces de créatures qui bougent sur les deux côtés. T'as même celui avec ses six yeux là, qui essaye de tricher sur le jeu de cartes. Ça rappelle un peu le bar un peu fouillé de Tatooine, quoi, finalement. Mais il faut toujours se rappeler si elle repère de contrebandiers, elle repère des pirates, c'est ça, quoi. C'est la piraterie, c'est ça, quoi. C'est toute l'image de la piraterie qui est collée au truc. C'est bien parce que ça, t'as ce mélange de piraterie, de western et de bestiole spatiale à tentacules, quoi. Bah, je pense qu'on a fait le tour du film, hein. On a parlé donc des CGI, des personnages, du scénario, de l'ambiance en général. Bah, moi je vais aborder un petit peu les rumeurs sur le prochain spin-off. Parce qu'on aura l'épisode 9, bien sûr, l'année prochaine. Et c'est fou ce qu'on a enthousiasme, hein, Ted. Bah, moi, je m'attendais pas à grand-chose pour Solo, par exemple. Mais par rapport à l'épisode 7 ou 8, voilà, maintenant, je vais en attendre plus des spin-offs que des sagas. Ouais, hein. Malheureusement, parce que Rogue One et Solo ont très bien fonctionné. Les deux autres, c'est vraiment du plus n'importe quoi. Et là, dans les dernières rumeurs, on a eu un spin-off qui pourrait se faire sur Obi-Wan Kenobi. Alors ça m'intéresse pas du tout. Et peut-être un sur Lando Calrissian avec le retour de Donald Glover, justement. Bien, ouais, mais un spin-off sur Hux, c'est ça que tu voulais, toi? Allez, un petit spin-off sur Hux, voir son doigt, il va repousser. Ouais. Attention, hein, la scène dont on parle, c'est une scène coupée de l'épisode 8, hein, donc ça parlera pas à ceux qui n'ont pas vu les scènes coupées. Hein. Ouais, coupées comme son doigt. Obi-Wan Kenobi, non, j'attends pas plus que ça, parce qu'ils l'ont, j'ai pas dire déifié, mais ils l'ont jésuifié dans la prélogie. Je suis pas fan, j'ai pas d'attente. Sur un spin-off de Kenobi, j'ai pas d'attente. Faut prendre un personnage qu'on connaît pas du tout et qu'on pourrait exploiter. Style, moi je vois bien un spin-off sur Boba Fett. C'est pas un personnage qu'on a beaucoup développé. Il a apparu quoi, 10 minutes dans, je vais dire, dans la trilogie originale. Il y a peut-être un passif qui va être intéressant de chasseur de primes. Bon, on sait que c'est le fils de Jango Fett qui est présent dans l'épisode 2 et il a aussi connu quelques épisodes dans la série Clone Wars et Rebels dans les versions animées, mais on pourrait aussi développer un autre Boba Fett. Il y a plein de possibilités, pourquoi s'orienter vers un personnage qu'il faut soit absolument connu, quoi. Après, si tu prends Rogue One, voilà, c'est pas des personnages connus, ça rentre dans l'univers Star Wars en arrivant à s'en écarter, pas de Jedi, etc. Là, Solo, bah ça va, on a réussi à pas tomber dans les travers. Bon, on voit quand même, j'ai l'impression que c'était Dark Maul, mais bon, voilà, c'est le seul passage rapport, on va dire, avec les Sith et les Jedi qu'on voit. Je sais pas pourquoi il allume son sabre laser, d'ailleurs. Ouais, pourquoi faire. Voilà, juste pour dire coucou les fans, j'ai un sabre laser à double tranchant. Mais par contre, moi, Dark Maul, moi, il me semblait qu'il avait été coupé en deux dans l'épisode 1, qu'il était revenu sous forme cyborg dans les séries animées qui sont suivies. Alors, après, dans le générique, il était marqué Maul, hein, il était pas marqué Dark Maul. Alors, c'est peut-être une race ou je sais pas quoi. Peut-être un descendant ou un frère, quoi. Bon, enfin, en même temps, il avait des jambes en métal, donc, détail. Voilà, moi, un spin-off sur lui, par exemple, ça m'intéresse pas. Tandis qu'un spin-off sur Fett, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. On pourrait sortir de l'univers Star Wars, on va dire purement Empire, etc. Puis c'est quand même un chasseur de primes, il y a quelque chose à faire avec. Il y a du matériel derrière, puis c'est un personnage qui est bien aimé des fans parce que il me faisait des figurines. Bon, tu me dis, ils font des figurines d'un personnage qui, comme je disais tout à l'heure, il y avait le chasseur de primes Bosk, ils en ont fait une figurine alors que le mec apparaît quoi 5 secondes dans le film, quoi. Je crois qu'il y a une possibilité, ou bien créer un nouveau personnage, ou reprendre un personnage qui est un petit peu iconique dans la trilogie originale, mais là je crois qu'ils vont encore une fois la facilité, quoi. Mais j'y crois pas trop, moi. Je pense que c'est des fausses pistes et qu'il va y avoir autre chose, mais je sais vraiment pas vers quoi ils vont s'orienter, quoi. Alors, il était question d'un spin-off sur Yoda, sur les jeunes années de Yoda, mais là aussi, faut dire que si on voit encore Yoda gigoter sur tout l'écran avec son sabre laser, ça va pas le faire non plus, quoi. Non, moi je connais pas les rumeurs sur Star Wars. Moi je sais juste que les rumeurs sont fondées, c'est-à-dire que les sagas c'est de moins de bonne qualité, il fallait déraper. Et par contre, voilà, les spin-offs, moi, je serais peut-être plus en attente de spin-offs de Star Wars s'ils sont, pour l'instant, aussi bien réussis qu'un Rogue One ou qu'un Solo, que pour moi, je trouve plus réussi qu'un Star Wars 8. Ouais, prendra certainement plus de plaisir à voir Solo et Rogue One que les épisodes 7 et 8, hein. C'est clair pour moi, là. Alors, dans la chronologie, Solo, il est avant Rogue One, hein, il me semble. C'est bien ça. Comme Rogue One est directement rattaché à l'épisode 4, t'as Leia qui part dans son vaisseau diplomate et qui est poursuivi par le vaisseau de l'Empire qui est commandé par Lavader. Et là, c'est la scène d'ouverture de l'épisode 4. Donc là, Solo, on termine sur une suggestion qui va se rendre sur Tatooine. On sait qu'il va balancer la cargaison parce que il va avoir un vaisseau de l'Empire. C'est ce qu'il a raconté dans l'épisode 4, vu qu'il est traqué par Jabba. Il y a aussi un clin d'œil à son adhésion à la rébellion. Finalement, il dit, Fistness lui dit, toi t'es un bon, mais tu voudrais pas nous rejoindre. Et lui dit, moi, ça m'intéresse pas. Et puis, finalement, il changera d'avis, quoi. Voilà, et sachant que dans l'épisode 4, il partait sur le même principe. Hein. Il avait dit aussi à Luke, non, la rébellion, ça m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Comme quoi, il y avait plus de sentiments pour Leia que pour Kira. Parce que Leia l'a fait rester et Kira l'a fait partir. On va aussi terminer par lui donner une note, peut-être. Moi, je lui mets... C'est dur parce que j'ai envie de mettre un 4,5, quoi, quand même. Je peux vous encourager à y aller, hein, ça, y a pas de problème, vous passerez un bon moment. Voilà, les ultra geeks comme Fabien ont réussi à aimer, les un peu moins comme moi ont réussi à aimer aussi. Donc, moi, je vais partir sur une note de 4,5 aussi. Ça approche pas à la perfection, il y a quelques détails, mais ça reste quand même de très bon acabit et vous pouvez aller le voir les yeux fermés. Pas les yeux fermés parce qu'il va y avoir rien. Mais si vous voulez aller voir en 3D ou en 4DX, vous pouvez y aller tranquille. Mais c'est vraiment un très bon divertissement. Qu'est-ce que t'en dis? n'importe quoi. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.